I a flair. I ain't na, I a man. I ain't na, I a flair. I ain't na, I a man. Mote komike, neri cheko kenela. Mote komi for, neri cheko fonema. I ain't na, I a flair. Tumuruna shaya, neri chema odoye. Musona shaya, neri chema odota. Fone kamiye, ngomo ke musoye. Aka oleta, koka ya sunguruye. Kele mandineye, nekantato alama. Anye sigi, anya flair. Sunguru na shaya, neri chema odoye. Muso na shaya, neri chema odota. Fone kamiye, ngomo ke musoye. Aka oleta, koka ya sunguruye. Kele mandineye, nekantato alama. Anye sigi, anya flen. Anye sigi, anya fle. Anye sigi, anya fle. Abena, anya fle. Anye sigi, anya fle. Fini vwe koute, sa ki fini rive. Fou pa ou jeme fè konfians, mèm si se meye zan miyao. Tout sa fom ki tiene, si tala y vle detoune. Ou chagrin y ke lese, bon Dieu paye, j'ai dit content ça, mi c'est ça. Oui, oui, oui, oui. C'est ça. Oui, oui, oui, oui. Mais c'est ça. Oui, oui, oui, oui. C'est ça. Oui, oui, oui, oui. Tumuru na shaya, neri chema odoye. Muso na shaya, neri chema odota. Fone kamiye, ngomo ke musoye. Aka oleta, koka ya sunguruye. Kele mandineye, nekantato alama. Anye sigi, anya fle. Anye sigi, anya fle. Mwanye sigi, anya fle. Anye sigi, anya fle. Mwanye sigi, anyo fle. Anye sigi, anya fle. Mote komi for, neri cheko fonema. Sunguru na shaya, neri chema odoye. Muso na shaya, neri chema odota. Fone kamiye, ngomo ke musoye. Aka oleta, koka ya sunguruye. Kele mandineye, nekantato alama. Anye sigi, anya fle. Anye sigi, anya fle. Fini vwe koute, sa ki fini rive. Fou pa ou jeme fè konfians, mèm si se meye zan miyao. Tout sa fom ki tiene, si tala y vle detoune. Ou chagrin y ke lese, bon Dieu paye, j'ai dit content ça. Mi c'est ça. Oui, oui, oui, oui. C'est ça. Oui, oui, oui, oui. Mais c'est ça. Oui, oui, oui, oui. C'est ça. Oui, oui, oui, oui. Mi c'est ça. Oui, oui, oui, oui. C'est ça. Oui, oui, oui, oui. Mais c'est ça. Oui, oui, oui, oui. C'est ça. Oui, oui, oui, oui. Mi c'est ça. Oui, oui, oui, oui. C'est ça.